I wanted just the testimony that the Lord gave me this message. Amen. Amen. So we will quickly go through. What surprised me is that it's different from the, it's not connected to the previous message. Mm-hmm. Because it said because of some people. Maybe the new or so, I don't know. But because most of things here, I know that we even already know them. Amen? Amen. But she still wants us to come here. Amen? Amen. Ich wollte eigentlich heute, dass wir wieder mit den Zeugnissen anfangen, aber der Herr hat mir für heute eine Botschaft gegeben. Und was mich überrascht hat, ist, dass diese Botschaft ganz anders ist als die, die wir in den vergangenen Wochen hatten. Und der Herr hat gesagt, dass diese Botschaft spezifisch um einige Personen hier geht, die in der Gemeinde sind. Ich gehe davon aus, dass es vielleicht um die Leute geht, die jetzt neu in die Gemeinde dazugekommen sind, weil es eigentlich Inhalte sind, die wir bereits kennen. Aber der Herr möchte gerne, dass wir die heute thematisieren. On va pas, je voulais qu'on puisse continuer avec notre message, notre témoignage concernant le Nigeria, comme on était là. Mais l'Éternel m'a donné un message aujourd'hui, un petit message. C'est pas comme c'est pas ça c'est pas ce message c'est pas la continuité de message qu'on avait avant, mais ce sont des histoires que nous normalement on sait déjà, mais l'Éternel voulait que je puisse assister, que je puisse insister, que je puisse le répéter peut-être pour des nouvelles personnes qui sont aussi en ligne ou bien aussi et c'est pour cela que je veux de prêcher ce qu'il m'a dit de prêcher. Praise the Lord. Hallelujah. And the message is Two kingdoms on earth. Das Thema der Botschaft lautet zwei Königreiche auf der Erde. Le message, le thème de ce message est deux royaumes dans cette terre. He said, you know anything Bible? Bible means Bible should tell you that anytime you see Bible or you think of Bible, you should remember that there are two kingdoms on earth. Jedes Mal, wenn du die Bibel liest oder wenn du an die Bibel denkst, solltest du dir zum Bewusstsein rufen, dass es immer zwei Königreiche auf dieser Erde gibt. Chaque fois que tu lis la Bible ou bien tu penses à la Bible, tu dois être conscient, ça doit te rappeler qu'il y a deux royaumes ici sur terre. He said, but the Bible should be to us, should be a reminder for us that there are two kingdoms on earth. Die Bibel sollte für dich wie eine Erinnerung sozusagen sein, dass du dir immer wieder vor Augen führst, dass es zwei Königreiche hier auf der Erde gibt. Donc la Bible doit toujours te rappeler, vraiment, ça doit toujours te rappeler, ou bien ça doit, oui, t'alarmer, te rappeler qu'il y a vraiment deux royaumes ici sur terre. The Bible actually means the kingdom of heaven. Die Bibel bedeutet eigentlich das Königreich des Himmels. Parce que normalement la Bible ça signifie le royaume des cieux. You know there is the kingdom of this world. Es gibt das Königreich dieser Welt. Tu sais qu'il y a le royaume ici dans cette terre, le royaume de cette terre. This Bible is a kingdom. Und die Bibel selbst ist And auch this ein kingdom Königreich. Is called the kingdom of heaven. Und das Königreich nennt sich das Königreich des Himmels. Mais notre Bible, comme on peut la voir là, c'est un royaume. Et ce royaume-là, on l'appelle le royaume des cieux. A kingdom and not a religion. Ein Königreich ist keine Religion. Un royaume n'est pas une religion. A kingdom and not a religious book. Es ist ein Königreich und kein religiöses Buch. C'est un, la Bible, c'est un royaume, c'est pas une, un livre religieux. A kingdom, which means a country. This is a country called heaven. Ein Königreich bedeutet gleichzeitig auch ein Land und die Bibel ist ein Land. Das Land nennt sich der Himmelreich. Un royaume, c'est un synonyme pour un pays. Et un pays, c'est donc ça signifie que la Bible, vu que c'est un royaume, c'est aussi un pays. This means Christ. Christ came for another kingdom. Und die Bibel bedeutet auch Christus, denn Christus ist für ein anderes Königreich hergekommen. La Bible signifie aussi le Christ, parce que le Christ, il est venu pour un autre royaume. Il est venu pour nous ramener à notre royaume. There are a lot of religious books everywhere, but not the Bible. Es gibt überall viele religiöse Bücher, aber die Bibel gehört nicht dazu. C'est, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres religieux, mais la Bible, elle n'est pas un livre religieux. The Bible is a kingdom of its own. Die Bibel ist ein Königreich für sich. La Bible, c'est un royaume pour soi. Which is the kingdom of heaven. Und zwar die des Königreichs des Himmels. Qui se titulaire le royaume des cieux. Which is the kingdom of Christ Jesus. Amen. Und zwar das Königreich von Christus. Qui est la Bible, le royaume de Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why how you read the novels. If you read it like that, it will turn to novels for you. Deswegen kannst du die Bibel nicht wie einen Roman lesen. Et c'est pour cela tu peux pas lire la Bible comme un livre normal parce que un livre ordinaire parce que si tu le lis comme ça, ça sera aussi un livre ordinaire pour toi. The Bible is not a storybook from people. Die Bibel ist kein historisches Buch von irgendwelchen Menschen. Donc la Bible c'est pas un livre. Kein Geschichtsbuch, genau. C'est pas un livre d'histoire qui t'explique comment autre personne ont vécu. Actually, it is written by the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Und es ist geschrieben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Mais la Bible a été écrite à travers la puissance du Saint-Esprit. No other book is written by the power of the Holy Spirit except this book. Amen. Es gibt kein anderes Buch, das durch die Kraft des Heiligen Geistes geschrieben worden ist, außer dieses eine Buch. Es il y a aucun livre qui a été écrit à travers la puissance du Saint-Esprit sauf la Bible. All other books are written by people. Alle anderen Bücher sind von gewöhnlichen Menschen geschrieben worden. Tout autre livre ont été écrits par à travers des hommes ordinaires. This is not written by man, but by God himself. Aber die Bibel wurde nicht von einem Menschen geschrieben, sondern von Gott selbst. Mais la Bible a été écrite pas par un homme ordinaire, mais par Dieu lui-même, le Saint-Esprit. There are two kingdoms on earth. Es gibt zwei Königreiche auf Erden. Donc il y a deux royaumes sur terre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We must know that. Und das muss uns bewusst sein. On doit le connaître. And that's why when people are communicating, when people are speaking, you just listen and know where the kingdom that is coming from. Und wenn Menschen zu dir sprechen, Jesus was expert in that. Und wenn Menschen zu dir sprechen, dann solltest du wissen, aus welchem Königreich sie sozusagen sprechen. Und auch Jesus war gut darin, immer wieder zu prüfen, von welchem Königreich diese Menschen sprechen, wenn sie zu ihm gesprochen haben. Et c'est pour cela, étant un fils de Dieu, quand quelqu'un parle, tu écoutes et tu dois savoir, tu dois remarquer de quel royaume c'est que la personne dit, de quel royaume ça vient. Et Jésus-Christ était un expert en ça et toujours il les examinait les paroles des personnes, il savait OK, ça vient de quel côté. You know the owner of the you know if somebody writes a book, he himself is the one that can help you to understand the book more than any other person. That's why the Holy Ghost, without him to understand this is impossible because he's the writer. Wenn ein Mensch ein Buch schreibt, dann wird der Autor dieses Buches dir am besten erklären, was der Inhalt sozusagen dieses Buches genau ist und worum es geht. Und genauso ist es in der Bibel, dass nur der Heilige Geist allein dir genau erklären kann und dir genau den Inhalt der Bibel offenbaren kann. Et c'est pour cela, par exemple, quand tu écris un livre, par exemple, c'est seulement l'auteur de ce livre qui est capable à t'expliquer ce qu'il voulait dire parce que c'est lui qui l'a écrit. Et c'est comme ça aussi la Bible, c'est le Saint-Esprit qui l'a écrit. Et c'est pour cela, c'est lui la seule personne qui est capable à t'expliquer qu'est-ce qu'il voulait dire à travers quel passage. Anything Christ means another kingdom. Alles, was Christus betrifft, bedeutet gleichzeitig ein anderes Königreich. Tout ce qui concerne le Christ, ça signifie au même temps le royaume des cieux, un autre royaume. Praise the Lord. Hallelujah. Every other thing, they are of the kingdom of this world. Alles andere bezieht sich auf das Königreich dieser Welt. Tout autre chose qui n'est pas inclus dans cette Bible, dans la Bible, il s'agit de royaume de ce monde, de la terre. Even the Old Testament, Jesus said, the prophet, they all wrote of me. Everything, you know, it's just, you know, is Christ. Mm. Und selbst das Alte Testament hat Jesus auch gesagt, dass selbst die Propheten, alles im Alten Testament hat immer auf Jesus Christus hingezielt. Das alles bezieht sich auf Christus und auf sein Königreich. Jésus Christ lui-même, il a dit que même l'Ancien Testament tout référait à lui, tout était en train de préparer les gens à l'arrivée de Jésus Christ, donc tout se référait à lui. With the natural mind, man cannot understand it. Mit dem natürlichen Verstand wird der Mensch das niemals verstehen können. Avec la mentalité humaine, l'être humain ne peut pas le comprendre. Because it is no man that wrote it. Weil auch kein Mensch dieses Buch geschrieben hat. It is not written by man. Es ist nicht von Menschen geschrieben. Parce que c'est pas l'être humain qui l'a écrit, non? C'est pour cela l'être humain ne peut pas comprendre, parce que c'est pas avec la mentalité d'un être humain qui est limité sur terre. C'est pas lui qui l'a écrit. You get it. C'est difficile à comprendre. Amen. The Bible is not written by man. Die Bibel wurde nicht von Menschen geschrieben. La Bible n'a pas été écrite à travers un être humain. Without the Holy Spirit, the Bible cannot be written. Und ohne den Heiligen Geist kann die Bibel auch nicht geschrieben werden. Sans le Saint-Esprit, la Bible ne peut pas être n'allait pas être capable d'être écrite en fait. The Bible needs the Holy Spirit so to be written. Die Bibel benötigt den Heiligen Geist, damit sie überhaupt niedergeschrieben werden kann. La Bible a besoin du Saint-Esprit pour être écrit en fait. Amen. Amen. Anything, everything and whatever is of Christ without the Holy Ghost, you are just wasting your time. Alles was Christus betrifft, muss den Heiligen Geist beinhalten, weil ohne den Heiligen Geist ist es nur eine Zeitverschwendung, was die Leute niederschreiben wollen. Tout ce qui concerne le Christ doit être involvé, donc le Saint-Esprit doit être involvé, ou bien c'est lui qui est impliqué, pardon, c'est lui qui doit diriger, parce que si tu le fais sans le Saint-Esprit, c'est comme si tu étais en train de gaspiller ton temps, parce que là, tu as vraiment, tu fais un travail qui n'a pas de sens. Praise the Lord. Oh, yeah. Amen. Mm-hmm. And that's why in John 16, Jesus, when he was introducing the Holy Spirit to us. Und in Johannes 16 lesen wir, wie Jesus uns den Heiligen Geist vorstellt. Et en Jean 16, là on voit, on lit comment le Jésus-Christ nous a introduit le Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. In John 16, from verse 7. Johannes 16, Vers 7. Jean 16, verset 17, 7, pardon. Praise the Lord. 16, verset 7. Amen. Amen. From verse 7. Ab Vers 7. So let's read already to 13. Johannes 16, ab Vers 7. 7 to 13. Bis Jean 16, 7 à 13. Praise the Lord. Hallelujah. Are we there, please? Jesus. Si tu es là, tu dis Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. My daughter said Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 7. He said, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. And if I depart, I will send him unto you. He's talking about the Holy Spirit. Mm-hmm. Er spricht hier über den Heiligen Geist. Verset 7, ici il parle du Saint-Esprit. Amen. Mm-hmm. In verse 8, he said, and when he is come, he will reprove the world of sin. He will help us to know what sin is. Der Heilige Geist wird uns helfen zu verstehen, was Sünde ist. Et verset 8, il dit que et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. And he will also help us concerning the what you call righteousness. Und er wird uns helfen zu verstehen, was die wahre Gerechtigkeit ist. Il convaincra le monde aussi concernant la justice et les jugements. And also judgments. Of judgment. Und vom Gericht. Voilà, et les jugements aussi. Amen. Amen. Who to judge and what to judge. Wen wir richten sollen und wie wir richten sollen. Qui juger et quand et comment juger. And who has been judged. Und wer gerichtet wird. Et qui a été jugé. Praise the Lord. Amen. Wer schon gerichtet ist. Amen. He said, I'll say because they believe not on me. Of righteousness because I go to my Father and you see me no more. Of judgment because the prince of this world is judged. That's Satan. Yes. It's already judged. Though, you know, though it's as if, you tell people it's already judged, they'll say, where? Mm-hmm. Everything is still being controlled by him. Mm-hmm. Without the Holy Ghost, you cannot believe that Satan has been judged. Mm-hmm. Und wir lesen hier in Vers 11, dass der Satan bereits gerichtet ist und die Welt würde vielleicht das hinterfragen und sagen, hä, wie kann das sein, dass sozusagen schon ein Gericht, ein Urteil gefällt ist? Aber ohne den Heiligen Geist wirst du überhaupt gar nicht glauben können, dass der Satan bereits gerichtet ist. Parce que 11 nous dit que le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et les gens vont se demander, mais comment on dit qu'on n'a pas vu ce jugement? Comment on peut dire que le prince de ce monde a déjà été jugé? Mais sans le Saint-Esprit, tu n'es pas capable à comprendre que le diable a déjà été jugé. Amen. Amen. You are sick to know that you know you are almost at the point of death, that you can't believe you are healed in spite of all the pain, whatever is there. You get it. It takes the power of the Holy Spirit to still believe that it has been your the prince of this world has been judged. Amen. He has been defeated. Und es erfordert den Heiligen Geist, dass du wirklich glaubst, dass der Fürst dieser Welt wahrhaftig bereits gerichtet ist und bereits besiegt worden ist. Selbst wenn du auf deinem Sterbebett liegst und es sozusagen aussieht, als wäre alles für dich vorbei, erfordert es den Heiligen Geist, dass du selbst in diesem Zustand immer noch glaubst, dass der Fürst dieser Weltzeit gerichtet ist und bereits besiegt worden ist. Donc tu as vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit pour vraiment croire. Verset 11. Imagine si quelqu'un est, par exemple, dans une maladie, a une maladie grave, prêt à mourir, et la personne doit toujours croire que même si la maladie est là, le prince de ce monde a déjà été jugé. Mais là, tu as vraiment besoin du Saint-Esprit pour y croire pendant que tu es en train de vaincre, de vivre un temps le plus difficile de ta vie, par exemple. Mais toujours croire à la parole de l'Éternel, tu as vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit. You know, you can put one finger here, and then John 16, verse 32 and 33. Wir gehen einmal zu Vers 32, genau. Also immer noch Johannes 16, aber jetzt Vers 32. Donc on va continuer, on va rester à Jean 16, maintenant au verset 32. You know, the Lord never tells us to do what he did not do. Der Herr gibt uns nie eine Aufgabe, die wir tun sollen, ohne dass er sie vorher nicht auch schon getan hat. L'Éternel ne nous recommande jamais à faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. He said, behold, the hour cometh. Yea, it's now come. Now you shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet I'm not alone. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. It takes the power of the Holy Ghost to know you are never alone. Mm-hmm. Und es erfordert die Kraft des Heiligen Geistes zu wissen, dass du nie alleine bist. Ici, il dit aux disciples que vous allez partir, vous allez me laisser seul, mais je ne suis pas seul, je suis avec mon Père. Tu as vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit de te rappeler chaque fois, même si quand tu te sens seul, de savoir que tu n'es jamais seul. He said he is not alone because the Father is with him. Amen. You see that? Mm. If Christ is with you, you are never alone. Amen. Und Jesus sagt hier, ich bin nicht allein, denn mein Vater. Lonely, und Jesus sagt hier, ich bin nicht allein, denn mein Vater ist bei mir. Und wenn Jesus Christus bei dir ist, dann heißt das, dass du auch nicht alleine bist. Und das solltest du dir immer bewusst machen. Il dit que, mais je ne suis pas seul, car le Père et avec moi. Donc Jésus-Christ dit ici qu'il est. Tu dois aussi toujours toi aussi être conscient que tu n'es que tu, il est toujours avec toi, que tu ne seras jamais seul. Et c'est pour cela que tu n'as pas le droit de te sentir oui seul, mais te sens jamais seul. Mm. There's somebody that should be lonely, should be Jesus, but he was not lonely. Mm. Wenn es eine Person gegeben hätte, die sich alleine fühlen könnte, wäre es Jesus gewesen, aber er war nie alleine. Si dans ce monde il y aura vraiment quelqu'un qui devrait avoir la solitude. Pour qui devait se sentir vraiment seul, ça allait être Jésus-Christ. Même regarde, même lui-même, il dit, il est vraiment conscient. Il sait que il n'a jamais été seul. He said, I am not alone because the Father that you cannot see is with me. Though that you cannot see does not mean that you cannot see him does not mean he's not with me. Und er sagt, ich bin nicht alleine, weil der Vater bei mir ist, den ihr mit euren Augen nicht sehen könnt. Und nur weil ihr ihn nicht sehen könnt, schmälert das nicht die Tatsache, dass der Vater da ist und ich deswegen nicht alleine bin. Amen. Donc il dit ici que moi je ne suis pas seul parce que le père que vous vous ne pouvez pas voir, il est toujours avec moi et c'est pour cela que je suis jamais seul. C'est ce qu'il est en train de dire. That your result or your report is failed does not mean you are alone. Dass dein Ergebnis vielleicht nicht gut aussieht oder dass du vielleicht durchgefallen bist, bedeutet nicht, dass du alleine bist. Le fait que ton résultat n'est pas bon ou bien que tu as échoué, je sais pas quel résultat que tu as, ça signifie pas que tu es seul. No, if you read, look at this verse 32. Jesus was about to face something so difficult. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. He was going to be arrested and everybody running away from him. Mm-hmm. And now alone. You know, there's nothing even worse than that. Somebody that call himself God. Mm-hmm. Und in Vers 32 befindet sich Jesus sozusagen in einer Situation, wo er dieses Alleinsein sogar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes spüren könnte, weil er gefangen genommen wird und das, weil alle Leute ihn verlassen werden und er sozusagen allein gelassen wird in dieser Situation. Aber selbst da wird ihm, ist er so bewusst oder sich seinem Vater bewusst, dass er sagen kann, ich bin nicht alleine, weil der Vater immer noch bei mir ist. Et imagine par exemple verset 32, on connaît l'histoire que Jésus était face à une situation vraiment très dangereuse, très difficile, une situation très horrible en fait. Il allait être arrêté, tous ses disciples allaient lui fuir et il allait être crucifié pour quelque chose qu'il n'a pas fait pour toi et moi aujourd'hui, mais il était si conscient de son père, de sa relation avec son père. Malgré tout ça, il savait qu'est-ce qui allait arriver, mais il savait vraiment qu'il n'était pas seul, que son père est toujours avec lui. Imagine quelle puissance qui peut te donner ce courage à dire ce qu'il a dit à verset 32. Amen. The whole God was going to be arrested. There was no shame. Ein ganzer Gott wird sozusagen ins Gefängnis geworfen, aber er hat sich dem nicht geschämt. Imagine, ein grand Dieu, un Dieu puissant, que lui, il savait qu'il est un Dieu, va être arrêté, mais il n'a pas eu honte, il ne s'est pas condamné, mais il a fait face à cette situation. He did not say any man was with him, but my father. Are you getting it? Und er hat nicht depend on him. Und er hat nicht gesagt, irgendein Mensch steht ihm zur Seite oder irgendeiner seiner Jünger steht ihm zur Seite, sondern er hat sich voll und ganz auf seinen Vater verlassen und gesagt, dass mein Vater mit mir ist. À travers cette situation, il n'a pas dit que oui, mes disciples sont avec moi, mes meilleurs amis sont avec moi, ma mère Marie est avec moi. Non, il n'a pas cité un nom. Il a dit un Dieu puissant. Il a dit mon Père est avec moi. Are you getting it? Praise the Lord. Donc c'est vraiment il s'est vraiment fallacieux. Il a fait confiance. Oui, il a vraiment fait confiance à son père. It was as if everything was going to be over, just collapse and everything just finished. But he said he was not alone. Und es hat den Anschein gegeben, als ob alles wirklich vorbei war für ihn, ne? Dass er sozusagen seine letzte Stunde jetzt geschlagen hat. Aber er hat sich dennoch auf seinen Vater verlassen und war dessen bewusst, dass sein Vater mit ihm ist. Donc imagine, donc il savait que c'est il n'y a plus un chemin à sortir de cette situation, mais la seule chose qui pouvait le consoler, c'était le fait que son père est toujours avec lui. Praise the Lord. Alléluia. Il dépendait de ça en fait. Never have loneliness in your dictionary. Amen. Hab niemals Einsamkeit in deinem Vokabular. Donc il faut jamais avoir la solitude dans ton vocabulaire, donc que tu te sens seul. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. For somebody to be here on earth and you are never alone, thus it's as if you are alone. It's wonderful. To believe that the whole big God, he promised you, he said, I will not leave you, I will not forsake you. You know, parents can promise they fail. Any man can promise fail, but not Jesus. Ein Mensch kann dir zum Beispiel versprechen, ich bin immer da für dich, ich werde dich niemals allein lassen, aber ein Mensch kann sich irren. Wenn er schlechte Laune hat, dann packt er seine Koffer und geht und dann stehst du da. Aber Gott, der einzig wahre Gott, sagt, er ist immer da, er wird dich niemals verlassen und darauf kannst du dich verlassen. Und was für eine Ehre das ist, hier auf der Erde zu sein, wissend, dass du nicht alleine bist, sondern dass der Herr mit dir ist. En fait, on doit vraiment faire confiance à sa parole quand on dit qu'il ne va jamais nous laisser. Parce qu'un être humain, quand on te dit « oui, je ne vais jamais te laisser t'abandonner », quelquefois, on aime bien écouter ces mots-là, mais tu sais que c'est un être humain ne peut jamais vraiment être jusqu'au bout, te garantir qu'il sera là avec toi ou bien il sera là avec toi. Parce qu'il y aura un problème, il y aura une situation, même si la personne essaye de son mieux, mais il y a toujours des histoires qui peut le rendre impossible à être là pour toi pour toujours. Mais un Dieu, un grand Dieu qui te parle, qui te dit « je serai là toujours pour toujours avec toi », là tu dois vraiment lui faire confiance, tu dois vraiment être conscient de ça et lui faire confiance à sa parole. And that's why I want you to be like that little child, little baby, that can only know when you take them to playground. And they are playing. All they can see is their mother, their father. And once they are not there, there is panic. Amen. All you can see should be Christ. Amen. And what should make you panic should not be something else, that he is absent. Und deswegen möchte der Herr, dass wir auch sozusagen gesinnt sind wie kleine Kinder, die sich, wenn sie in einem Spielplatz sind, sich immer nur darum kümmern, dass sozusagen ihre Eltern immer noch in Sichtweite sind. Dieses Kind wird spielen und sich vielleicht nur umdrehen, um sicherzustellen, dass seine Eltern da sind. Und diese Eltern ist Christus für uns. Wir sollten unseren Fokus immer auf Christus haben und nicht um das, was um uns herum passiert. Weil das Kind wird sich nicht darum kümmern, ob andere Kinder da sind, ob andere Kinder weg sind. Es wird sich immer nur darum kümmern, oder irgendwie, dass irgendwelche Leute um ihn herum, keine Ahnung, dass da geklaut wird oder so. Das interessiert dieses Kind nicht. Das Kind wird total sorgenlos in diesem Spielplatz spielen und sich nur umdrehen, um zu vergewissern, dass sein Vater oder seine Mutter immer noch da ist. Genauso sollten wir sein, dass wir sorglos um dieses Leben hier leben und uns immer nur vergewissern, dass Christus immer noch in unserer Sichtweite ist. Donc, et c'est pour cela, c'est important, comme il nous dit qu'on doit vraiment être comme ce petit enfant dans la Bible en Matthieu. Donc, que tu un petit enfant, par exemple, quand tu pars jouer avec lui quelque part où il y a aussi d'autres enfants, l'enfant va jouer, mais va toujours regarder où sont ses parents pour être sûr, ok, ils sont là. Mais dès que l'enfant voit que son papa est là, que sa maman est là, il continue à jouer sans problème, sans même se laisser influencer de ce qui se passe autour de lui. Parce que même s'il y a par exemple un attentat qui vient, un enfant ne sait pas ça. Pour lui, c'est que la seule chose importante est que, ok, je peux voir ma mère. Si je me tourne là, elle est là. Donc, et c'est pour cela, c'est la seule chose importante pour cet enfant. Et c'est comme ça que nous aussi, aujourd'hui, on doit être, peu importe qu'est-ce qui se passe dans cette vie, dans des situations autour de toi, toi, tu dois toujours te concentrer vers ton père et tes parents. Et c'est pour cela il dit qu'on doit être comme ses enfants qui ont toujours regard vers leur père, en fait. Verse 33. He said, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation. He said there will be problems, but be of good cheer. Amen. I have overcome the world. Amen. Praise the Lord. Amen. Satan has been defeated. Satan in John 16. Amen. John 16, verse 11. Amen. Dasselbe, was der Herr uns in Vers 33 sagt, sagt er uns auch in Vers 11, dass der Satan bereits besiegt wurde. Donc, verset 33, il nous dit que quand on aura des tribulations dans ce monde, mais le diable a déjà été vaincu. C'est la même chose qu'il nous dit aussi dans Jean 16, 33. Non? C'est la même chose qu'il nous dit aussi à Jean 16, 11, par exemple, que le diable, il a déjà perdu, en fait. Il a déjà été jugé. Oui, jugé. Verse 12 of John 16, please. Wir lesen Vers 12, Johannes 16. On va repartir à Jean 16, verset 12. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Amen. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. Amen. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. There are two kingdoms on earth. Es gibt zwei Königreiche hier auf Erden. Verset 13 nous faisait voir vraiment qu'il y aura le consolateur qui viendra et qui va nous expliquer toutes choses. Amen. Il y a deux royaumes ici sur terre. In John, in Matthew 4, verse 17, Jesus said he came with another kingdom. Matthew 4, go there please. Especially because of the new people. Please always go to the Bible. Amen. Wir lesen Matthäus 4, Vers 17 und da sagt uns Jesus auch, dass es ein anderes Königreich gibt, weswegen er hergekommen ist. On va lire Matthieu 4, 17. Là, il dit clairement qu'il est venu pour un autre royaume. Verse 17, of Matthew 4. Matthäus 4, Vers 17, wir lesen. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Another kingdom is about to come. Er spricht hier von einem ganz klar von einem anderen Königreich, was nahe herbeigekommen ist. Ici, il dit clairement que répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Il parle d'un autre royaume. Another world is about to come. Not world, world. W O R L D. Eine andere Welt ist nahe herbeigekommen. Donc un nouveau royaume, un autre pays, un royaume qui est proche, un nouveau monde en fait. You can see that he did not introduce religion. Und wir sehen hier, dass er ganz klar nicht von Religion spricht. Et tu peux voir, il parle pas d'une religion, il dit pas que la religion est proche, il dit de un nouveau royaume, un nouveau monde qui vient ici. He did not say religion is about to come. Er sagt nicht. Or another religion. Er sagt nicht, tut Buße, denn eine neue Religion ist nahe herbeigekommen. Il dit pas, on lit pas, répondez-vous, car il y a une nouvelle religion qui vient. Non, il dit qu'il y a un nouveau royaume qui vient. Amen. Amen. Amen. A kingdom, UK is not a religion, it's a country. Another country, because it's going to have everything of its own. Es geht hier um ein neues Königreich, ein komplett neues Land, denn er wird mit seinen ganz eigenen Sachen sozusagen in dieses Land hereinkommen oder dieses Land beinhaltet seine eigenen Sachen. Par exemple, les États-Unis, par exemple, c'est un royaume. Non? Et c'est comme ça aussi avec le royaume des cieux. Pourquoi c'est un royaume? Parce que ce royaume a toutes ses propres choses. Donc, il y a sa propre, ses propres systèmes, sa propre manière de voir les choses, sa propre langue. Tout ça, c'est nouveau dans ce royaume. Amen. Amen. A different kingdom with a different king. A different everything Amen. Different. Es ist ein komplett neues und anderes Königreich. Ein Königreich mit ganz anderen Normen, mit ganz anderen Systemen, mit ganz anderen Sitten. Ein ganz komplett neues Königreich. Un nouveau royaume avec ses propres. Un nouveau roi. Avec son propre, also avec son propre roi, son propre système. Tout ça, c'est différent de ce monde. Amen. Amen. A different kingdom with a different people. Everything dead is not, you know, the flesh cannot inherit the kingdom of heaven. You know, the flesh in the kingdom of this world, there is the kingdom of heaven, it's the spirit. It's a different people, that's why we are different. Und sein Königreich beinhaltet auch ganz komplett andere Mitbürger sozusagen. Ne? Denn in seinem Königreich sind die Menschen geistlich gesinnt. Anders als in dem Königreich dieser Welt, wo die Leute fleischlich gesinnt sind. Das heißt, es sind komplett andere Menschen, die in diesem Königreich leben. Donc dans ce royaume des cieux, il y a aussi autres citoyens. C'est pas comme les citoyens de ce monde, parce que les citoyens de ce monde, ce sont des personnes naturelles, charnelles. Mais dans le royaume des cieux, les citoyens du royaume des cieux, ce sont ils sont en esprit, ils sont surnaturels en fait, hein, qui vivent en esprit, qui ne vivent pas par la chair. C'est pour cela qu'il dit aussi que le royaume de ce monde ne peut pas hériter les choses du royaume des cieux. A different people that you know, even your people that know you before, we say, I don't know this person again. Who is this person? What changed you? Are you getting it? That you are, they can see that you are in this world, but not here. Und die Menschen innerhalb dieses Königreichs von Christus, die sind so anders gepolt und anders gesinnt, dass selbst die Menschen, die dich früher kannten, selbst deine Eltern, deine natürlichen Eltern, die dich sozusagen als Mitbürger des Königreichs dieser Welt kannten, werden diese neue Person gar nicht mehr wiedererkennen und denken, okay, du lebst hier, aber irgendwie bist du gar nicht mehr von hier, weil du komplett anders jetzt bist. Et même aussi, par exemple, dans, à travers ce, dans ce, de ce royaume des cieux, tu vas voir même que les gens qui te connaissaient avant, quand tu étais charnel, ne te connaissent plus parce qu'ils vont commencer. Même tes parents vont te dire, mais tu as complètement changé parce que ta mentalité, la manière à laquelle tu penses, la manière à laquelle tu vis, c'est complètement différent. C'est maintenant, eux, ils ne sont pas capables à le comprendre parce qu'eux, ils voient selon la chair. Ils sont vraiment, oui, trop charnels. Mais seulement si quelqu'un est un citoyen du royaume des cieux, c'est seulement cette personne-là qui est capable à te comprendre. Donc tu vois du coup que même tes amis, tes parents, même qui t'ont donné la vie, ils ne sont pas capables à te comprendre. Amen. Tu as changé. Another kingdom with another system, another ways of life, another thought. Another ways, another, you know, everything is just opposite. The old one. Und dieses Königreich von Christus ist ein komplett anderes Königreich mit anderem System, mit anderen Prinzipien, mit anderen Lebensweisheiten, mit ganz, also komplett anders als das Königreich oder die Prinzipien dieser Erde, mit ganz anderen Motiven, mit anderen mit anderer Freude, mit anderem Frieden. Komplett, es ist alles komplett anders als das, was man vorher gekannt hat. Important de comprendre que le royaume des cieux, ce nouveau royaume qu'il a dit qu'il amène, c'est vraiment le contraire de ce du royaume de ce monde. Ça a sa propre fait, ça a sa propre, ses propres règles, ses propres principes, vraiment son propre tout. Vraiment, en chaque chose, il y a une différence immense en fait. Et ça, on doit être conscient de ça. Repent means change. Amen. Où se bedeutet Veränderung? Et quand il dit se repentir, ça signifie qu'il y a un changement. Praise donc the Lord. Changer. Amen. Amen. Amen. You know, Satan also introduced the kingdom of this world to Christ, to Jesus in Luke 4. Let's go there, please. Wir lesen Lukas 4 und sehen, dass auch der Satan Jesus versucht hat, sein Königreich sozusagen vorzustellen. On va lire à Luc 4, on va voir que le diable, lui aussi, il a essayé d'expliquer, à présenter à Jésus-Christ son propre royaume, le royaume de cette terre. On va le lire ensemble. Praise the Lord. Alléluia. Look for place. Okay, Val, will you help us to read verse 1? Lukas 4, Vers 1. And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Holy Spirit into the wilderness. Thank you. And Jesus, being full of the Holy Ghost, the same Holy Ghost that is in you and me today, mm-hmm. was in Jesus. Mm-hmm. He was full of the Holy Ghost. Derselbe Heilige Geist, der in dir und mir heute ist, war auch in Jesus. Donc on lit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui est en toi et moi aujourd'hui était en Jésus-Christ. Remember in John 16, where we read. He said, if I do not go, that Holy Ghost will not leave me to come upon you. Erinnert euch an Johannes 16, was wir soeben gelesen haben. Da hat Jesus gesagt, wenn ich nicht gehe, dann kann der Heilige Geist nicht über euch kommen. Rappelle-toi, Jean 16, quand on venait de lire, il a dit que si moi je ne pars pas, le Saint-Esprit n'est pas capable à venir sur vous. We are full of the Holy Ghost. Amen. Und heute sind wir voll vom Heiligen Geist. Qui signifie que nous aujourd'hui, on est vraiment plein du Saint-Esprit. We are not different. Wir sind heute nicht anders als er. Et nous ne sommes pas différents de Jésus-Christ aujourd'hui, si tu es. Wenn du wahrhaftig errettet bist. Si tu es vraiment né de nouveau, si tu es à ton salut. The Bible says, as he is, so are we right now. There's no difference. Denn die Bibel sagt, so wie er ist, so sind wir heute. Das heißt, es gibt keinen Unterschied. Et c'est comme ça que la Bible dit que tout comme il était, qu'il est, c'est comme ça que nous sommes aussi aujourd'hui. On est vraiment comme lui, il est. And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Verse 2. Being 40 days tempted of the devil, and in those days he did eat nothing. And when they were ended, he afterward hungered. You know, that's what confuses most religious people, all these religious people. You know, like the Muslim, I was speaking with a Muslim, and he said, can God be hungry? He said, God hungry. He said, can never believe that. Amen. Mm-hmm. And here he said he was hungry. Mm-hmm. Just like you and me, hungry. Mm-hmm. Und diese Stelle macht viele Menschen sehr stutzig. In Vers 2 lesen wir nämlich, dass Jesus hungrig war. Und ich habe diese Diskussion sehr oft auch mit Leuten, die den islamischen Glauben haben, weil die sich nämlich immer die Frage stellen, wie kann das sein, dass Jesus Gott ist, wenn er doch hungrig gewesen ist, wenn er doch müde gewesen ist, wenn er doch all diese ganzen Dinge getan hat, die auch ein gewöhnlicher Mensch sozusagen empfindet. Wie kann er dann Gott sein? Et en fait, on voit ici que Jésus a eu faim. Et j'ai parlé avec une dame musulmane qui me disait que mais comment Jésus-Christ peut être Dieu parce qu'il avait faim. Mais ici, on voit, il est Dieu, mais ici, on nous dit qu'il a eu faim. You know, somebody can even ask me, if you are Christ, why are you hungry? Why are you tired? Das ist genau dasselbe, wie wenn jemand mich fragen würde und sagen würde, okay, wenn du doch Christus bist, warum bist du müde? Warum bist du hungrig? Donc, on vient de voir que nous, on est comme le Christ, juste comme il est, nous aussi, on est aujourd'hui. Et quelqu'un peut te demander, mais si tu dis que tu es le Christ, pourquoi tu dis que tu es fatigué ou bien que tu as faim? Mais ici, on voit qu'il a eu faim. Amen. Amen. This will help you to know there was a difference between Jesus and Christ. Mm-hmm. Und das wird dir auch helfen zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Jesus und Christus. Et ça, ça doit, c'est important de comprendre que ça doit te faire comprendre qu'il y a une différence entre Jésus et le Christ, malgré c'est une personne. Amen. Amen. There's a difference between Jesus and Christ. The body is Jesus. The inside. Amen. Es gibt einen Unterschied zwischen Jesus und Christus. Jesus ist sozusagen die menschliche Hülle und Christus ist das Innere, der Geist. Amen. Donc il y a une différence entre Jésus et Christ, malgré c'est une seule personne. Pourquoi? Parce que Jésus c'est le corps. Le Christ c'est l'intérieur du corps. Amen. The inside was his father. His inside. And you see, that's why for him, he has to learn to see the inside. If not, if he sees the outside, he's tired, he's hungry. Do not walk. That's why he said, I am my father, we are one. I do everything. For him, it was all about the father. The focus was so much of his father. Just like you and me today. How will she live the life that he has given us? Und das, worin der Fokus sozusagen gesetzt war, war immer das Innere, war immer der Geist. Und weil da war der Ort, wo sich sozusagen auch der Vater befunden hat. Das, was er immer erachtet hat. Immer das Geistliche und nicht das Äußerliche, nicht die Hülle. Weil wenn du immer diese Hülle betrachtest, dann wirst du auch immer wieder dir im Bewusstsein rufen, dass du hungrig bist, dass du müde bist. Und wirst dann den geistlichen Aspekt, das Innere, überhaupt gar nicht in Erwägung ziehen, erachten. Und deswegen sollten wir genauso gesinnt sein, dass wir nur das Innere erachten, und zwar der Christus, der Geist in uns, den wir sozusagen mit uns tragen, was Christus selbst ist. Amen. Et c'est pour cela que c'est important de comprendre que Jésus-Christ était vraiment seulement concentré à son intérieur, parce que l'intérieur était le Christ, Jésus était la chair, tu vois. Et c'est comme ça qu'il était capable à être la personne qu'il est, parce que lui, son intérieur, c'était son père lui-même. C'est pour ça qu'il dit que moi et mon père, nous sommes un. Et là, il parle de son intérieur, du Christ, et pas de la chair. Et c'est comme ça aussi que nous, aujourd'hui, on doit se concentrer à notre intérieur, qui est le Christ, comme on venait de voir, le Saint-Esprit est en nous, on est plein de lui. Donc, notre intérieur est complètement comme le Christ. Et c'est ça qu'on doit valoriser. Parce que si tu continues toujours à voir la chair, l'extérieur, tu ne seras pas capable à vivre dans l'intérieur et seulement à travers l'extérieur. Amen. Amen. You see who you are, not even what you do. Du erachtest nur, wer du bist und nicht das, was du tust. Tu considères seulement ce que tu es et pas ce que tu fais. Amen. If you concentrate on what you do, you will fail. But if you concentrate on who you are, who you are will control what you do. Wenn du dich darauf konzentrierst, was du tust, dann wirst du versagen, wirst du aufgeben. Aber wenn du dich darauf konzentrierst, wer du bist, as the Christ you are. Und zwar der Christus, den du bist, dann wirst du auch in Christus wandeln können. Et c'est pour cela, tu dois toujours te concentrer à qui tu es, parce que si tu te concentres à qui tu es, ça va influencer ce que tu fais. Mais le contraire, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que c'est important que tu saches qui tu es et que tu laisses ta personne, ton soi, contrôler ce que tu fais. If you look at Abraham in Romans 4, Abraham, the Bible said he did not consider his body that was dead because his spirit was alive. Amen. But you know, the body might be dead, but the spirit. Amen. In Römer 4 lesen wir, dass Abraham. Even Abraham, the Old Testament. In Römer 4 lesen wir, dass Abraham seinen alten, gebrechlichen Körper überhaupt gar nicht erachtet hat, als der Herr ihm sozusagen so Nachkommen versprochen hat, sondern er hat den Geist erachtet und sein Geist war lebendig. Und daraufhin konnte er auch das empfangen, was der Herr ihm zugesprochen hatte, weil er nur das Geistliche gesehen hatte und nicht sein Fleisch. Et on peut voir aussi, on va aussi le lire à Romains 4, on va voir l'exemple d'Abraham, par exemple. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que son corps était mort, mais lui, il n'a pas considéré son corps. Il a considéré son intérieur. Et c'est ça, à travers ça, parce qu'il a seulement considéré ça, et c'est à travers ça que l'Éternel pouvait aussi l'utiliser et avoir son fils. Parce que s'il considérait la chair, l'extérieur, il n'allait jamais avoir le résultat qu'il a eu maintenant. Verse 19. Wir lesen Römer 4, Vers 19. Römer 4, Vers 19. Amen. Verse 19. You never consider. You know what you consider, control the outside. Anything you consider, come out. It's what you consider that is going to come out. Das, was du erachtest, das, was du in Erwägung ziehst, ist das, was sich auch nach außen hin offenbaren wird bei dir, was sich entfalten wird. Donc, ce que tu es en train de considérer, c'est ça qui va te. C'est le fruit que tu vas avoir, en fait. Ce que tu es en train de considérer, ça va se faire voir à travers tes actions aussi. Donc, si tu te considères comme quelqu'un qui est malade, tu vas rester malade. Mais si tu te considères comme le Christ que tu es, même si ton corps te dit quelque chose d'autre, tu ne le sauras pas. Praise the Lord. Hallelujah. First of all, verse 8, he said, who against hope believe in hope? D'abord. There was nothing to hope for, but nothing ever stopped him from believing God. Are you getting it? Though there was nothing outside to hope for, nothing to hold on to. Are you getting it? Amen. Und in Vers 8 lesen wir sogar, dass es nichts zu hoffen gegeben, Vers 18 lesen wir sogar, dass es nichts zu hoffen gegeben hat für Abraham. Ne, dass sein Fleisch sozusagen komplett hinüber war sozusagen und es nichts zu hoffen gab für ihn. Aber dennoch hat er daran festgehalten, weil er den Geist erachtet hat und nicht das Fleisch. Ici la Bible nous dit, verset 18, que espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devient père. Imagine, donc, espérant contre toute espérance, ça signifie que son corps, la chair, les cinq sens se disaient que c'est pas possible pour toi d'avoir un enfant. Donc tu n'as pas d'espoir en fait. Mais lui, il avait dans son espérance dans l'Éternel. Et c'était ça, et c'est à travers ça, donc c'était sa foi en fait. C'est à travers ça qu'il a pu avoir ce résultat qu'il a eu parce qu'il est considéré que l'intérieur. All the natural result fail. Nothing to hope for. The natural report fail. Nothing to hold on to. You know, sometimes you see half of when there's something to hold on to. Okay, I've not gone to Sparkasse. I've gone to Deutsche Bank. But Sparkasse is still there. There's nothing. There's something to still hold on to. hold on to. Mm-hmm. Are you getting it? Yeah. You know, wait for somebody to see, believe, and hope. To hope, to believe. Mm-hmm. When there is nothing to believe. Mm-hmm. Mm-hmm. Oftmals ist man in einer Situation, wo man eventuell noch einen kleinen, an einem kleinen Strohhalm festhält und vielleicht noch ein bisschen Hoffnung hat. Beispielsweise, wenn man sich denkt, okay, ich war schon bei Bank A und die haben mir abgelehnt, aber vielleicht gehe ich noch zu Bank B und habe da noch vielleicht eine Chance, irgendwie was zu bekommen. Oder ich war schon bei Dr. X, der hat mir gesagt, funktioniert nicht, dann gehe ich mal zu Dr. Y, vielleicht sagt der mir noch was Richtiges. Aber wenn du an dieser Situation ankommst, wo du nichts mehr zu hoffen kannst, wo du überall abgelehnt wurdest, wo du überall irgendwie die Tür vors Gesicht geklatscht bekommst, wenn du wirklich nichts mehr zu hoffen hast, so wie Abraham, und da immer noch den Geist erachtest und da immer noch an Christus festhalten kannst, dann bist du angekommen. Ja. Et donc on va savoir que c'est vraiment la foi. Quand est-ce que ça va commencer? Ça commence pas quand tu vois que tu as encore l'espoir, quand tu dis que par exemple, tu dis que oui, dans cette banque, je n'ai plus d'argent, mais j'ai encore une autre carte et je pense que là, j'ai un peu quelque chose. Et basé à ça, tu dis que oui, j'ai la foi dans l'éternel. Non, la foi, quand tu vois que dans toute possibilité que tu avais, c'est zéro, mais tu crois toujours que tu as une possibilité parce que ta possibilité, c'est l'éternel. C'est là, c'est ce que Abraham a fait ici. Il n'avait pas d'espérance. C'est ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle quand on dit que espérant contre toute espérance. Pas comme nous, quelquefois dans le monde, on dit que je n'ai plus d'espoir, mais dans ta tête, dans ton cœur, tu sais que oui, j'ai encore maman, tantine Gisèle qui a encore 100 euros pour moi. Amen. Amen. Yeah. Praise the Lord. Amen. You know, there was nothing to hope for, but he still believed. Mm. Er hat nichts zu hoffen gehabt, aber er hat trotzdem geglaubt. Il avait plus d'expérience, mais il a cru. He believed it's not over. Er hat daran geglaubt, dass es nicht vorbei ist. Il a cru que c'était pas la fin. Praise the Lord. Hallelujah. You know, until it gets, I always say it, we never allow it to get to that stage. Mm. Until you get to that stage, you can never see Christ. Mm. The three Hebrew boys, Daniel, you can just name them. Mm. Are you getting it? Yeah. That there is nothing to, man is so careful. Mm. Man is always very careful. Und ich sage immer, dass wir es oftmals immer wieder nicht zu diesem Punkt kommen lassen. Ne? Dass wir immer wieder sozusagen diesen Punkt vermeiden wollen. Ne? Dass wir immer irgendwie vielleicht noch irgendwie einen Plan B schmieden, und damit wir eben nicht zu diesem Punkt kommen, wo du eben nichts mehr zu hoffen hast. Ne? Wo dir nichts mehr übrig bleibt. Aber erst dann wirst du wirklich sehen, wie sich der Herr auch manifestieren wird. Wir sehen das bei den drei hebräischen Jungs, wir sehen es auch hier bei Abraham. Aber oftmals wollen wir diesen Punkt vermeiden, dass wir sozusagen bis zum Äußersten getrieben werden. Mais la chose intéressante est que nous tous on dit que nous sommes des enfants de Dieu, mais on ne laisse pas l'Éternel, on ne laisse pas notre foi arriver à ce point où on n'a rien à faire, on n'a plus de possibilités. On veut toujours faire quelque chose pour éviter la situation où tu n'as pas d'espérance, tu n'as plus rien, oui, tu n'as plus d'espérance. Et c'est ça le problème avec les enfants de Dieu, parce que c'est seulement quand tu arrives à ce point-là, c'est seulement là que tu peux voir la puissance de l'Éternel dans sa plénitude, par exemple. Mais si tu n'arrives pas là, tu vas pas aussi le voir. Et c'est ça le problème avec les enfants de Dieu. C'est pour cela que les enfants de Dieu ne sont pas en train d'évoluer, parce qu'ils sont en train d'éviter d'avoir que l'Éternel comme espoir. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. That he might become the father of many nations, according to that which was spoken. So shall your seed be. He so much believed that word. Mm. That word of Christ. Yeah. That once he speaks, when Christ Jesus speaks, it's final. Amen. Can we believe that? Mm. Can we believe him and trust him? Can we live that life? Mm. Und wir lesen hier in Vers 18, dass Abraham die Zusage bekommen hatte vom Herrn, so soll dein Same sein. Er hat also so stark auf diese ein Worte festgehalten, dass er immer noch glauben konnte, selbst wenn es aussah, als ob alles bei ihm vorbei war. Aber diese einen Worte von Gott haben ausgereicht, damit er so krass glauben konnte und so krass daran festhalten kann. Und wenn wir auch in der Lage sein, den Herrn glauben zu können, festhalten zu können an die Worte, die er uns wahrhaftig zugesprochen hat. Et c'est pour cela qu'on peut voir ici, verset 18 nous dit ici aussi que lui, il avait cru selon, il avait cru au mot que l'Éternel lui avait dit, il était, telle sera sa prospérité. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est vraiment, il s'est accroché à ce mot-là, il a cru en ça vraiment comme toute autre chose. Et c'est pour, et ça lui donnait la force parce qu'il savait qui lui a dit ça. Non, la personne qui lui a dit, c'est pas un être humain, c'est un Dieu qui est puissant. Mais nous, aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de croire en tout ce qu'il nous a fait, qu'il nous a dit? Parce que là, Abraham n'avait pas de Bible, il avait seulement ses cinq mots ici. Mais nous, on a complètement une Bible où il nous dit qu'il nous aime, qu'on peut faire confiance à lui, et ceci, cela. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne croit pas en ça. Et vraiment, c'est pitoyable. You know, we always say there was, he had nothing to hope for. Actually, he had something to hope for. Amen. What he did not have to hope for was things that man could see. But he actually had something. This word was something to hope for. He did. You get it. There was something to hope for. Only in the natural man cannot see it. Only him, he must learn to see it. Und eigentlich, wenn wir es genau betrachten, hatte Abraham tatsächlich etwas, wo er drauf zu hoffen hatte. Und zwar diese Worte, die ihm der Herr zugesprochen hatte, diese Zusage, die er bekommen hat. Das war das, worauf er eigentlich zu hoffen hatte. Aber das, worauf die Bibel sozusagen sagt, worauf er nicht zu hoffen hatte, ist das, was mit dem menschlichen Auge sozusagen sichtbar ist. All die Dinge, die der Mensch mit seinen Augen sehen kann, die er sozusagen nicht mehr zu hoffen hatte. Aber diese Zusage vom Christus, diese geistige Zusage, die er hat, das war immer noch das, woran er festhalten konnte. Oui, on peut voir que normalement, il avait un espoir, mais son seul espoir, c'était quelque chose, c'était des mots spirituels que l'Éternel lui a dit, hein, telle sera ta prospérité. Et là, il a accroché toute son espérance sur ça. Mais c'était pas charnel son espérance. C'était pas ce que les cinq sens disent, ou ce qu'un autre humain l'a dit, mais ce que l'Éternel a dit. Mais c'est quelque chose de spirituel que tu ne peux pas voir, ou bien. Oui. Amen. Touché. Christ's word was his hope. Das Wort. Yes. Everything outside dead. Alles, was äußerlich zu betrachten war, war sozusagen tot für ihn. Aber die Worte von Christus, die waren seine Hoffnung. Amen. Donc tout ce qui était à être, ce qu'il pouvait considérer dans la chair, tout ça, il n'y avait plus d'espérance. C'était tout était mort. Mais la seule chose qui lui donnait l'espoir, c'était les paroles du Christ. Verse 19. Have you no weak in faith? Amen. Amen. He never doubted this word. So shall your seed be. Mm-hmm. What came out from the mouth of the Lord? Er hat die Worte you have vom thousands Herrn. Words everywhere. Amen. Amen. Have you no weak in faith? He considered not his whole body now dead. He considered it now dead. Though it was dead, when he was 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Amen. And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. I love that. Amen. Amen. I hope you understand it. Yeah, ich hoffe, ihr versteht das. Donc, j'espère que vous avez compris ce qu'il a dit ici. Il a dit que il ne doutait, verset 20 à 21, il ne doutait point par incrédulité ou au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Praise the Lord. Hallelujah. Even when nothing is working, but something is still working. Mm-hmm. Christ's word is still on. Selbst wenn nichts außen betrachtet funktioniert, gibt es immer noch eine Sache, die funktioniert, und zwar das Wort, was Christus ausgesprochen hat. Und das ist, bleibt immer noch behaftig. Donc, même si rien ne fonctionne, ne marche, mais là, il y a une chose qui va toujours marcher. Donc, ça, c'est la vérité. La promesse de l'Éternel, ça va rester pour toujours. Praise the Lord. Même dès le commencement. Let's quickly go to Luke 4 again, please. Wir gehen zurück zu Lukas 4. On va remonter à Luke 4.